Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Le Dieu que nous invoquons chaque jour, chaque matin, est un Dieu fidèle, un Dieu qui tient toujours ses promesses. Mais toi aussi, tu dois être fidèle. Quand tu tiens tes promesses, quand tu fais des engagements, sois fidèle. Fidèle à Dieu, fidèle à son œuvre. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. C'est le matin que nous avons la victoire. Victoire sur nos ennemis. Nous sommes à notre émission de prière. OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 28. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Nous allons lire les psaumes 28, 1 à 9. Dieu David, éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans leur cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur les salaires qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'ils les renversent et ne les relèvent point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Nous allons voir quatre vérités qui ressortent de ce psaume. Première vérité, adressons à Dieu des prière de supplication. Vous savez, quand nous traversons des moments difficiles, je parle à quelqu'un, tu traverses des moments difficiles, des moments où tout est noir, tout est sombre autour de toi. Les genres de prières que tu dois adresser à Dieu, c'est la prière de supplication. La Bible nous recommande de recourir à la prière de supplication. Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 à 7. Vous voyez ici, dans ce passage, David dit au verset 1, Éternel, c'est à toi que j'écris, mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Et au verset il dit, écoute la voix de mes supplications, la prière de supplication. Tu dois apprendre à supplier Dieu. Tu dois apprendre à t'humilier devant lui, à chercher ta face. C'est pourquoi la prière de supplication, souvent, elle a son sens pendant des temps de jeûne et de prière. Il y a des moments où tu veux voir les déblocages dans ta vie, dans ta situation. Tu adresses des prières de supplication. Ce psaume nous permet de relever quelques caractéristiques d'une prière de supplication. Premièrement, nous crions vers Dieu. Quand tu supplies Dieu, quand tu fais la prière de supplication, tu cries à Dieu. Tu n'as que lui comme recours. Les hommes ne peuvent rien faire. Peut-être ton mari, ta femme, ton oncle, ton cousin, ton chef ne peut rien faire. Tu cries à lui. David dit, Éternel, c'est à toi que je crie. Il existe plusieurs types de cris. Il y a des cris de joie, il y a des cris de détresse. Dans une prière de supplication, nous adressons à Dieu des cris de détresse pour demander son intervention. Moïse, par exemple, il cria à l'Éternel à Mara, car l'eau du lieu était amère. Lorsqu'il cria à l'Éternel, ce dernier lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Exode 15, verset 15. Samuel adressa aussi à Dieu une prière de supplication. Il cria à l'Éternel pour Israël, afin qu'il les délivrât de la main des Philistins. Et Dieu l'exauça. Vous trouvez ça dans 1 Samuel 15, 25. L'aveugle Bartimée dans le Nouveau Testament, il cria à Jésus pour obtenir la guérison dans Marc 10, 47. Jésus lui-même a adressé à Dieu des supplications avec des cris, des grands cris même, dit Hébreux 5, verset 7. Il dit, « Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. » Quand tu fais des prières de supplications, tu dois être pieux, tu dois marcher la sanctification parce que le péché bloque, empêche l'exaucement. Lorsque nous adressons une prière de supplication, deuxième élément ici, nous prions avec insistance. C'est-à-dire, quand tu fais la supplication, tu ne pries pas seulement une fois, tu insistes. David dit, ne reste pas sourd à ma voix, ne m'emporte pas avec les méchants. Écoute les voix de mes supplications. Vous voyez, cette manière de parler montre que vous insistez. David montre que si Dieu n'intervient pas, il serait semblable à ceux qui descendent dans la fosse. David avait cette certitude que l'Éternel écoute la voix de ses supplications. Deuxième vérité que nous révèle ce psaume, apprenons à identifier ceux qui marchent dans l'hypocrisie. Oui, nous vivons dans un monde d'hypocrites. Mon ami, même dans l'église, tu vas voir quand tu viens à l'église, tu viens à la messe, il y a quelqu'un qui t'accueille, qui te fait même des accolades, des bijoux, mais il rit avec toi, mais au-dedans. C'est un hypocrite, c'est celui-là même qui te combat. Même au niveau du travail, je vais parler à quelqu'un, mon ami. Tu vois, lorsque tu réalises des espoirs et que ton chef te félicite, le conseil d'administration te félicite, ton ministre te félicite, il y a ceux qui sont des hypocrites. Ils te disent félicitations, mais au-dedans du cœur, ce sont des gens qui te combattent. Ce sont des gens qui veulent te renverser. Ils font des complots. Nous devons donc avoir le discernement pour que Dieu nous montre les hypocrites. David parle de ceux qui parlent de paix à leur prochain, mais qui ont la malice dans leur cœur. Au verset 3, ce comportement d'hypocrisie caractérise plusieurs personnes dans notre société, voire dans l'église. Il arrive très souvent que ceux qui se disent chrétiens parlent d'amour, adressent de belles paroles à leurs frères et sœurs, mais posent dans le secret des actes pour les détruire. C'était le cas de Sanballat au temps de Néhémie. Sanballat adressa des lettres à Néhémie pour avoir une entrevue avec lui dans le but de préserver sa vie. C'est ce qu'il a affirmé. Mais sa motivation réelle et cachée était de faire du mal à Néhémie et de le décourager en vue d'arrêter l'œuvre de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Selon Néhémie 6, D à 8. Mon frère, ma soeur, tu dois identifier des Sanballats. Souvent, les gens qui nous combattent ne sont pas loin. Ce sont des gens qui sont autour. Ces hypocrites qui cherchent à nous faire du mal ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, selon le verset 5. Dieu rend à chacun selon ses œuvres, nous dit Job 34, verset 11. Jérémie, c'est cette réalité que David a comprise et qu'il a exprimée à travers sa prière. Au verset 4, il dit, « Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. » Cette réalité devrait nous interpeller en tant que chrétiens, car chacun de nous comparaîtra devant le tribunal de Christ, où il recevra sa récompense selon ses œuvres. Le prix que nous recevrons dépendra de la qualité de nos œuvres. Celles qui résisteront à l'épreuve du feu pèseront sur notre actif, tandis que celles qui seront consumées par le feu nous feront perdre notre récompense, selon 1 Corinthiens 3, 14 à 15. Troisième vérité, confions-nous à l'Éternel, car c'est lui notre force et notre bouclier. David affirme que Dieu est sa force et son bouclier. Verset 1. C'est pour cette raison qu'il se confie en lui. David était un grand roi d'Israël, mais il ne s'est jamais confié en lui-même ni à son armée. Il plaçait toujours sa confiance en Dieu. Les exploits militaires qu'il accomplissait venaient de Dieu. Il a expérimenté cette réalité depuis qu'il était jeune. Il a vaincu Goliath en s'appuyant sur l'Éternel. C'est pourquoi il pouvait dire, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Vous trouvez ça dans 1 Samuel 17, 46 à 47. Lorsqu'il fut nommé comme le chef d'état-major du roi Saül, il réussissait partout où Saül l'envoyait. Car l'Éternel était avec lui. Plusieurs victoires qu'il a remportées sur ses ennemis sont dues au fait qu'il marchait selon les instructions divines. Si toi aussi, tu marches selon les instructions divines, si tu te confies en l'Éternel, il va te donner des victoires. C'est lui qui sera ta force, c'est lui qui sera ton bouclier. David dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, je me confie, car l'Éternel est la force de son peuple. Verset 8, en tant que peuple de Dieu, nous devons nous confier en lui. Et lorsque nous lui faisons confiance, nous aurons la certitude de son secours et nous le louerons pour lui exprimer notre confiance, même si nous n'avons pas encore reçu ce que nous lui demandons. David dit au verset 7, j'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue avec mes chants. Quatrième vérité, nous devons nous préoccuper du salut et de la bénédiction du peuple de Dieu. David fait cette prière, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Verset 8, chacun de nous devrait faire une telle prière. Sauve ton peuple, le peuple de Dieu, bénis ton héritage. La Bible du Semeur dit ceci, ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-les, il t'appartient. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Dans la nouvelle alliance, le peuple de Dieu comprend ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est l'Église. Pierre dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 1 Pierre 2, 9 à 10. Alléluia. Quelle parole merveilleuse. Je voudrais vous convier à louer le Seigneur en chantant ces cantiques. Hosanna. De la poussière, il m'a retiré. Du fumier, il m'a relevé. De la maladie, il m'a restauré. De la pauvreté, il m'a conduit à la richesse. Hosanna, papa nanga na yemeliyo. Hosanna, papa nanga na yemeliyo. Hosanna, papa nanga na kumisiyo. Le tout puissant, Agopopola, Agopopola, Agopopola, Yaya. À Dieu le Père, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit, élève ta voix, bénis le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes à notre émission OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, le révérend Dieudonné Ngoumbi, qui vous salue avec toute l'équipe OSB à partir d'Abidjan. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 28. Nous allons prier le Seigneur. Présentons nos besoins et nos difficultés à Dieu par des prières, des supplications. Je ne sais pas quels sont les problèmes que tu vis actuellement, mon frère, ma soeur, dans ton travail, tu es pasteur, dans ton ministère, tu peux te tourner vers Dieu pour lui adresser des supplications. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Très excellent Père, David déclare dans ta parole, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est avec joie que nous invoquons ton nom ce matin. Une joie mêlée de reconnaissance à cause de ton amour pour nous. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Nous crions à toi parce que nous sommes dans la détresse. Nous crions à toi parce que nous traversons des moments difficiles. Nous crions à toi parce que nos ennemis nous harcèlent chaque jour. Nous crions à toi, ô Père éternel, parce que dans le ministère, nous sommes accablés chaque jour. Mais nous savons, Père, que tu écoutes les cris de nos supplications. Nous savons, ô Père éternel, que tu nous délivres de toutes nos frayeurs. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous disons merci, ô Père. Ta parole déclare dans la 34e division des psaumes, quand le malheureux crie, l'Éternel entend sa voix et le délivre de toute forme de détresse. Délivre mon frère, délivre ma sœur qui crie à toi ce moment, qui traverse ces moments de détresse. Envoie ta main puissante et délivre-les du filet de l'oiseleur. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton saint nom. Merci Père éternel, parce que nous avons notre foi et notre confiance en toi. Nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. C'est pourquoi nous disons chaque jour merci. C'est au nom de ton fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre des hypocrites, de ceux qui marchent dans l'hypocrisie et qui cherchent à nous nuire. Que Dieu renverse leur dessein et que Dieu nous aide nous-mêmes à éviter l'hypocrisie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ce matin encore, nous poussons vers toi des cris de joie. Nous battons les mains pour t'acclamer, pour te magnifier, pour te louer. Nous voulons chanter à la gloire de ton nom, célébrer ta gloire par nos louanges. Ce matin, Seigneur, nous prions et nous voulons toujours et toujours te ressembler, parce que tu as dit, celui qui m'invoque, lui qui demeure saint. Papa, ce matin, nous venons à toi parce que nous sommes des hommes souvent hypocrites, des hommes méchants, des hommes qui ne disent pas la vérité. Nous sommes sournois dans nos maisons, en tant qu'époux, en tant qu'épouse. Nous ne sommes pas sincères dans nos activités, dans nos lieux de commerce, dans nos lieux de travail. Nous insultons, nous nous injurions, nous parlons mal contre notre chef. Nous sommes des hypocrites. Aie pitié de nous. Aie pitié de quelqu'un qui jouit de l'hypocrisie et qui ne sait pas comment s'en débarrasser. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je prie que par notre prière, quelqu'un se décide d'abandonner l'hypocrisie et de revenir à toi et de se dédier à toi. Béni sois-tu pour ton sang qui nous justifie, qui nous purifie. Merci de nous aider à aller dans notre prochain niveau. Merci de guérir le cœur de quelqu'un. Merci de nous délivrer. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié et rendu grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu de bénir son peuple, de sauver son héritage, de les délivrer des attaques de ses ennemis. Nous allons dire comme David, bénis ton peuple, bénis ton héritage, sauve ton peuple, sauve tes serviteurs, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, ô Père éternel, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Béni sois-tu, El Elyon, le Dieu très haut. Nous te rendons grâce pour tous tes hauts faits. Merci pour tout ce que tu nous donnes, ô Père éternel. C'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Père, nous nous tournons vers toi ce matin et nous demandons de bénir ton peuple. Nous te demandons de sécuriser ton peuple. Nous te demandons de protéger tes enfants contre les traits enflammés de l'ennemi. Bénis-les, ô Père éternel. Sauve ton peuple. Sécurise son héritage. Interviens par ta main puissante. Toi qui ne dors ni ne sommeille, ce matin, nous nous tournons vers toi, Père. Nous te demandons de fortifier la main de tes enfants. Ceux qui tombent en défaillance, relève-les, ô Père éternel. Ceux qui sont sur le point de perdre leur bénédiction, soutiens-les, ô Père éternel. Soutiens-les, protège les biens de tes enfants. Sécurise les biens de tes enfants. Sécurise ton héritage afin que tes enfants puissent témoigner jour et nuit que Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons mis notre foi en toi. Nous avons mis notre confiance en toi parce que nous savons que tu nous as délivrés des traits enflammés de l'ennemi. Parce que nous savons que ton amour pour nous est un amour qui ne change pas. Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta sécurité. Merci pour ta protection. Merci pour ton élévation. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.